de votre point de vue, quand on regarde la position, les développements de des différents invités ici, la position de Mahamat Idriss Déby, on évoquait la possibilité qu'il soit empêché d'exercer le pouvoir correctement, mais d'après ce que le président Banda Kani et les autres nous disent, le développement et la continuité de l'œuvre du maréchal Idriss Déby est en train de se poursuivre du côté du Tchad avec le concours des généraux qui ont pris le pouvoir après sa mort. Est-ce que, toujours en condamnant le fait qu'il y ait eu des morts, est-ce qu'on peut dire que le Tchad, en quelque sorte, est sur le chemin de la rédemption? Dommage. Sinon, l'heure est grave. Président Banda Kani, je vais pas être d'accord avec toi. Je préfère te le dire d'avance. Je sais que souvent on marche la main dans la main, mais cette fois, ce sera non. Je vais Tu expliquer. as l'autre voix. Je sais que j'ai le droit, mais je te le dis d'avance. Je vais expliquer. Parce que, avant de t'écouter, j'ai déjà préparé mon propre travail. J'ai ma propre pensée sur ces affaires. Qu'est-ce qui est donné nouvelle ou pas? D'abord, ce qu'on nous a présenté à la télévision là, ça ne veut rien dire. Faut pas me... Je suis physicien, moi. Donc j'exerce l'observation. Astrophysicien. Quand on voit un monsieur qui est devant un tapis, je vois aucun mort. On ne sait même pas d'où vient cette image. Ça ne veut rien dire. On attend mieux. Ok, donc ça jette à la poubelle, déjà. Que ce soit vrai ou faux, ça jette à la poubelle. Ça ne peut pas intervenir ici. Donc je dis la même chose. Autant la personne qui t'a parlé en disant que. Bon, bref, vous avez un petit échange là. C'est une personne qui t'aurait. Avec Tatinda. Ah, Migona Tolban qui est Voilà. en Djamena. Voilà. Ok. Il est qui? Ok. Ben, ces images, c'est quoi? Au moins, l'autre, c'est une personne vivante, en chair et en os. Mais l'image, là, c'est quoi? Elle veut rien dire, cette image. L'image qu'on a vue avec l'ambassadeur américain qui est devant un tapis. On ne sait même pas si c'est du sang ou quoi. Ah d'accord, C'est ça, là. l'image elle est sur Voilà. le compte officiel de l'ambassade des États-Unis en Djamena. Oui, mais peu Il importe dans dit que quel ça sens veut je rien vais, dire, elle il ne veut faut rien dire. dire. Peu importe dans quel sens, je n'ai encore porté aucun jugement de valeur, à savoir est-ce que c'est pro-américain, pas pro-américain, révolution de couleur ou pas. Mais je dis que cette image, quel que soit qui l'a mis, quelle que soit l'intention, ça ne veut rien dire, ça, parce que ça ne prouve rien, là. Cette image ne veut rien dire. Je vois un monsieur, je ne sais pas où il est, c'est en N'Djamena ou ailleurs, ou même en Mars, au pôle Nord, je ne sais pas, et il y a un tapis. Plus ou moins coloré là, bon, ça veut rien dire. On peut interpréter comme on veut parce qu'on a une théorie avec, mais telle que c'est là, il n'y a pas un élément qui fait que quiconque voit ça, c'est objectif, il valide. L'interprétation est libre, non? Mais Effectivement. les faits sont. Bon, ça c'est fait là, on prend ça, on jette à la poubelle parce qu'on peut le contester. Voilà. Bon, ça c'est number one. Number two, président Madakani, tu as dit que tu ne vas pas hurler avec les loups. Est-ce qu'on peut marcher avec quelqu'un qui lui a marché sur les cadavres pour se maintenir au pouvoir. 18 mois de transition, déjà. C'est leur durée. Les 18 mois sont passés. Est-ce que, et maintenant, pour continuer, les autres mois qui vont suivre, ok, on lui a donné 24 mois. Je vais revenir sur les 24 mois. Et lui, il vient de tuer 50. Même s'il y a 10 policiers. Bon, j'ai vu et Orange, il parle de 10 force les policiers, forces de sécurité. Voilà. Il parle de 10. À l'époque, il parlait de 30 morts et 10, dont 10 du côté de force sécurité. Même s'il y a 10 du côté de force sécurité qui sont tués par les manifestants, ça ne justifie pas qu'on valide, qu'on passe à l'as le fait que bon, maintenant on dit 50 tués. Quel que soit celui qui est mort, il y a eu des morts. Il ne devrait même pas en avoir un seul. Que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. Il ne devrait pas avoir un seul. Parce que ça, c'est du Boko Haram, c'est du terrorisme. Et je vais même dire plus, c'est même une incompétence au niveau de la sécurité. C'est de l'incompétence. Ils ont des services secrets aussi compétents que du Cameroun. Pourquoi c'est comme ça? Un pays est soi-disant venu défendre le Cameroun. Et puis à l'époque, on parle de 2012 en 2022. Attends, 2009, 2012, nous on est en 2022. Et demain, on sera en 2003. Les années passent. On ne va pas toujours venir sur hier et hier. Non, on est en 2022. Il faut actualiser les choses. Beaucoup de choses sont passées. Il y a le Mali, il y a le Burkina, on marque des points. Il y a la Guinée, il y a la France et la Centrafrique. Et puis nous espérons que d'autres ont marqué des points. Donc on ne va pas faire comme si, entre-temps, il s'est passé des choses. Cette révolution de couleur, non, je préfère d'abord lire mes points. Écoutez, je vais donc mettre en accusation, si vous me permettez. J'ai d'abord commencé par citer le passif de Mahamat Déby Itno depuis qu'il est là. Bon, parce que c'est lui qui est le représentant. qu'ils soient coiffés par des généraux ou pas, je les mets tous dans le même sac. Et comme je vais faire court, celui qui est mis devant, c'est celui qui est à la tête de l'État pour l'instant, de transition, c'est Mahamat. C'est le président de la République. Bon, je ne vais pas savoir, donc c'est de Dieu que je parle. Voilà. Ah, Bozizé chez lui. Bon fou. Très bien. Il fait quoi là-bas? Ça, donc ça, on va mettre dans son actif. Hein. Parce que moi, ce soit impassif. Si c'est quelqu'un conteste, ça dit, je mets dans l'actif. Chacun est libre de contester. Mais si on me conteste, ça dit, je mets dans l'actif. Ben, réponds, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça, c'est un passif. Bozizé et l'Odjad, passif. Deux. Le 31 mai 2021, les forces centrafricaines veulent faire une poursuite. Ils utilisent leur droit de poursuite au Tchad. Ok, il s'est passé quoi? Le président, maintenant que toi-même, tu étais là, tu as témoigné. Tu as témoigné contre eux. Le premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Tu avais écrit une note là. Ok, tu te souviens? On était même ensemble. Le premier ministre. Non, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. Ça fait rien. Je dis que je mets tous ces gens-là. Je dis que je mets ça sur le dos de celui-là. Président, je dis, hein, c'est mon argumentation, ne me fausse pas. Shérif Mahamat Z. Je mets, quel que soit Alpha là, je le mets sur le compte de Mahamat. C'est de lui qu'il s'agissait en fait. Oui, mais j'ai dit dès le début que je mets tout sur le compte de Mahamat. Même les 10 généraux, je ne veux pas savoir, même s'il y a 1000 généraux. J'ai dit que tout ça, je mets ça sur le compte de celui qui a la tête. J'ai dit ça dès le début. Effectivement. Bon, on peut me contester, mais moi j'ai dit annoncer la couleur dès le début. Donc je continue dans ce sens-là. Voilà. Quel que soit celui qui fait ça, moi je mets ça sur le compte de Mahamat. Tant que c'est au Tchad. Voilà. Alors, ok. Alors, troisième point. Il a pas contesté à un moment donné, soi-disant la présence Wagner au Mali. Quatrième point, son rapprochement avec Bazoum. Cinquième point, refus de la présence tournante au Mali, au G5 Sahel. Ce qui a amené le Mali à quitter le G5 Sahel, d'ailleurs c'est une bonne chose. Sixième point, le refus de céder le poste de la BEAC là, au Camerounais. Surtout qu'à l'époque, le Centrafrique parlait de crypto-monnaie et eux, ils n'en voulaient pas la BEAC. Et on sait qui était à la tête à ce moment-là. Et ils voulaient se maintenir. Septième point, volte-face au niveau du vote dernièrement là, sur les républiques du Donbass qui ont fait, où on a fait, Poutine a fait faire un référendum. Et lequel est le vote tchadien pro-américain, ok, pro-OTAN, c'est vert. Il y a la couleur rouge, la couleur jaune barré, il y a la couleur verte et le noir, comme le Cameroun qui n'a même pas été présent. Bon, huitième point, les 50 morts là, peut-être même plus, y compris les policiers, je mets tout ça là, c'est la même chose. C'est du désordre. Ça, c'est tien, c'est pas ma hâte. C'est tien. Il tue les gens pour maintenir, pour garder au pouvoir. Et après, nous, on est contents. Moi, mon habit n'est pas taché de sang, hein. Jamais. Donc, je ne vais pas me mettre à côté de quelqu'un qui. Ce monsieur-là, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Ok, je continue. Neuvième point. 18 mois plus tard, toujours pas de clarification sur la mort de son père. Moi, je dois entendre qu'on sait comment il est mort. Ok, bon, moi, ce que j'ai entendu ne me suffisait pas. Hein. Parce que je peux entendre qu'on sait comment il est mort. Moi, je ne sais pas. Hein. Ça ne me suffit pas comme preuve. Parce que si on sait que les mordants, ok, le fusil est à quelle distance? Qui a tiré? Et avec quelle couleur? Ah oui, oui. Allons au bout de la logique. Bon. Vous avez un scientifique ici. Donc prenez pas pour un zéro si vous reconnaissez une valeur scientifique. Donc ma question sera à cette hauteur-là et pas moi. Qui t'a pris pour un zéro? Non, c'est une façon de parler. C'est mon style que j'ai adopté là aujourd'hui. C'est mon style. Allons-y, professeur Mbélé. C'est juste un style, non? Voilà. Dixième point. Toujours pas de lien militaire avec la Russie. Ce que voulait Idriss Déby, Itno. Le dossier était sur la table. J'ai entendu ça hier. J'écoutais à la maison. Le dossier était sûr. Toujours rien. Zéro. Entre-temps, on est du côté de l'OTAN. Voilà. Alors, autre chose, je vais comparer les durées de la transition au Mali, parce que le Mali est un cas, pour nous, c'est un cas exemplaire, avec celle du Tchad. J'ai tout noté. Hein. Début du gouvernement de transition au Mali, c'était le 5 décembre 2020. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait 2 ans. On n'a pas encore atteint les 24 mois que celui-ci se fait sanctionner. Mais il a déjà fait 18 ans. Plus 24, bon, je vous ai dit. Or, le Mali, qui n'a même pas encore fait les 24 mois là, déjà au mois de janvier, on disait laisser le pouvoir. Au mois de janvier, il devait laisser le pouvoir d'après la CDAO. Au mois de janvier, là. Ouais. Oui. Donc, il s'est passé déjà 10 mois, là. Donc, ça dit que en 23 mois, moins 10, en 13 mois, il fallait qu'il quitte le pouvoir. Celui-ci a déjà fait 18, là, au Tchad. Et il veut encore s'ajouter 24. Et on a beau dire, les impérialistes, là, ils ont beau dire qu'ils contestent, qu'ils veulent pas qu'il y ait des violences au Tchad, ils condamnent ça. Ok. N'empêche qu'ils condamnent, mais ils ne parlent pas des 24 mois, là. Ça, ils ignorent, donc ça ne les gêne pas trop. Si ça avait été le Mali, on rajouterait ça. Okay. Bon. Président, il ne faut pas faire la rhétorique. Il faut utiliser des arguments qui logique. Non, avec des faits. Allons-y. Bon, je continue. Laissons le président continuer. Non, je veux qu'il soit à la hauteur de ma réponse. Je veux la satisfaction en sortant de ce débat. Voilà pourquoi je n'ose pas te répondre. Oui, voilà, je note tout. Pour ça, Jean-Paul Bellec, justement, le président est en train de pouvoir affiner la réponse. Mais il faut qu'elle soit à la hauteur. Mais toi, tu es prof, tu vas noter, non? Alors, donc, maintenant, au niveau du Tchad, la transition commence le 20 avril 2021. Donc, elle a déjà fait ses 18 mois. Auquel on ajoute 24, ça fera 42 mois. Le Mali, non, même pas encore 24 mois. On est déjà derrière le Mali. Tous les jours. Si le peuple n'était pas derrière le gouvernement de transition malien, ils en seront où aujourd'hui? Mais Mahamat, lui, est tranquille. Il a une base militaire française chez lui, hein. Barkhane voulait même arriver. Barkhane ne peut pas arriver. Tous les militaires français qui sont partis du Mali, 80% sont au Tchad. Et nous savons tous les attentats faits au Mali. Hein, que les Français continuent à perpétuer là-bas au Mali. Okay, d'ailleurs, ils sont en accusation là, au niveau de l'ONU. Oui, mais alors que la base militaire française est là, elle est nombreuse. Et il s'est passé un attentat là au Tchad pour déstabiliser Mahamat, Idriss Déby, Itno, Niet. Alors, écoutez, une proposition de logique, pour qu'on se comprenne bien. Parce que la première proposition, je sais que tout le monde est d'accord. Je la lis. Hein. Allons-y, professeur. C'est une proposition mathématique, tout le monde est d'accord. Si le gouvernement de transition est panafricain et soutenu par le peuple, alors la France-Afrique ne le supporte pas au-delà d'une certaine durée, en l'occurrence 18 mois. C'est un argument palpable. Non, on le constate. Non, mais venez. Le gouvernement malien étant panafricain soutenu par le peuple, on ne le supporte pas. Au Burkina Faso. Non, mais tout le monde est d'accord avec ça, non? Non, je suis pas d'accord. Président, tu es d'accord? Non, non. Tu es d'accord? Toi aussi, tu es d'accord? Vous êtes tous d'accord? Mais tu es beau de Pour ça, Jean-Paul Bellec. Vous êtes d'accord? Non, c'est bon pour le débat. Pour ça, Jean-Paul Bellec, allez au bout. Ils sont d'accord. S'il vous plaît, cher monsieur, laissons-le arriver au bout de son développement, s'il vous plaît. Ils ne sont pas d'accord parce que ça vous joue à tirer. C'est un désaccord de principe. Jean-Paul Bellec, ils ne sont pas d'accord. Non, parce qu'ils savent que je vais dire quelque chose avec ça. On peut avancer pour ça. Ok, tu es d'accord, président. Oh, peut-être tu me l'impose, j'ai pas le choix. Tu es d'accord, moi je n'ai pas le choix. On n'est pas dans une dictature, le président n'est pas d'accord. Je sais qu'il est d'accord. Pour ça, Jean-Paul Bellec, allons-y. Il est d'accord. Allons-y. Maintenant, s'il est d'accord avec ça, je dis qu'il est d'accord. S'il est d'accord avec ça, t'as dit obligé, il est d'accord. S'il est d'accord avec ça, mais la contraposée aussi est vraie. Bon, comme il connaît cet exercice, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Je vais quand même le faire, président. Je le fais quand même. Je vais quand même le faire. Je fais la contraposée. La contraposée qui est équivalente, c'est quoi? Si la France-Afrique ne supporte au-delà d'une certaine durée, c'est-à-dire il y a 18 mois, là. C'est le cas des Hamas, hein, 18 mois. Voilà. Alors, le gouvernement de transition n'est ni panafricain, ni soutenu par son peuple. C'est contraposé. Je répète, tu es là comme le fait Abdoulaye Maïga. Mais deux fois ça suffira. La contraposée, hein, elle dit. Si, ça dit que les deux, ce que j'ai dit avant, je sais que tout le monde est d'accord, et ce que je dis maintenant sont équivalents. Maintenant, je lis la contraposée. Si la France-Afrique le supporte au-delà d'une certaine durée, bon, des 18 mois qui viennent passer, là, alors le gouvernement de transition n'est ni panafricain, ni soutenu par le peuple. Ça, c'est mathématique. C'est pour ça que le président dit qu'il n'est pas d'accord avec le premier, évidemment. Il savait que je vais dire que c'est un truc, c'est équivalent. Bon, ok, on passe. Alors, dans ce cas, je dis que la vie, hein, c'est pas, même si les femmes en font, mais c'est un don divin. Hein. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas de vie. Donc, nul n'a le droit d'arracher la vie d'un autre. Il n'y a pas de crime d'État, là, il faut justifier. Surtout quand tu sais les enfants de 11 ans. Tout le monde a dit qu'on voit les enfants de 11 ans. Il va falloir justifier à la maman et au papa d'autrui. Sont les enfants. Son, voilà, il est sorti, il avait droit aussi, lui aussi avoir une opinion, juste pour parler comme ça, on l'a tué, pourquoi? Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des... que certaines puissances n'ont pas profité pour faire une révolution de couleur, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens armés avec armes blanches. Mais d'ailleurs, armes blanches contre fusil, armes à feu, est-ce qu'il y a une comparaison? Mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas ça. Je dis que le gouvernement actuel est incompétent et il n'a pas l'intelligence suffisante. En tout cas, moi, j'en pouvais les gérer, ils n'ont pas l'intelligence suffisante pour gérer ce genre de choses, dont le futur ne sera pas meilleur. Le futur est trouble avec ces gens-là. Ils doivent dégager. Ils doivent dégager. Alors, même s'ils ne peuvent pas partir tout de suite, parce qu'il y a un risque de révolution de couleur, mais qu'ils sachent qu'ils ne seront plus propres pour nous, ni pour leur peuple. Donc, il faut qu'ils se préparent à faire... Ce n'est pas la peine de faire leurs 24 mois. Il faut qu'ils se préparent à passer un relais à des gens un peu plus sûrs. Parce que eux, là, ils sont disqualifiés. Ça, c'est clair. Et l'Evanine va le confirmer. Hein. L'avenir va le confirmer. On verra très bien que Barkhane va venir et qu'il n'y aura jamais rien avec la Russie. L'avenir va le confirmer dans très peu de temps. Et si j'ai tort, je serai le premier à reconnaître quelque chose. Et d'ailleurs, je serai gagnant toujours. Parce que si j'ai tort, moi je suis pour l'Afrique. Donc je serai quand même gagnant. Dans tous les cas, je serai gagnant. Pour moi, c'est gagnant, gagnant d'office. Bon. Alors, et je dis qu'on ne peut pas justifier un crime de cette nature. Quels que soient les arguments qu'on va apporter, on ne peut pas justifier ça. Ça ne méritait pas, en sortant de cette conférence soi-disant souveraine, ça ne méritait pas d'en finir avec du sang. Ici, il y avait une chose à éviter, c'était le sang. Là, il fallait utiliser de toute forme d'intelligence et éviter que le sang s'écoule. Voilà pour mon premier geste. Afrique Média. Le monde, c'est nous.